of the Civil War was near when quite accidentally a hero who sneezed abruptly seized retreat and reversed it to victory. His medal of honor pleased and thrilled his proud little family group. Some blood was spilled, and so it was planned he'd command F-Troop, where Indian fights are colorful sights, and nobody takes a licking when pale face and red skin both turn chicken. Great drilling and fighting get them down, they know their morale can't droop as long as they all relax in town before they resume with a bang and a boom. F-Troop. Les femmes fans, excusez-moi, à toutes les femmes fans de cette émission, je vous salue sans votre permission. Je suis qu'un sale timbanque. Timbanque est dans les banques, mais dans toutes les banques là, il y a des timbanques. Non, il y a des timbales. Ben voyons donc. Ben oui, entre les lingots d'or! Et j'ai jamais vu de timbales entre les lingots d'or. Qu'est-ce que tu peux savoir de ça? Monsieur Guenny. Oui. Monsieur Guenny. Pas Monsieur Guenny. Monsieur Guenon. Monsieur Guenon, c'est moi. Monsieur, arrêtez de monter dans les arbres, là. Oui. Ça m'arrive régulièrement. Bon, descendez. Oui, d'accord. Quand il descend l'escaut, quand le fils de nos morts ne devienne comme mai, quand le fils de nos morts, il ferme ce juillet, quand le fils de nos jus, quand le fils de nos chants, quand le fils de nos chers, écoutez-le chanter. Le pays. Oui, les cymbales entre les. Voyons donc, le lingot d'or. Mais monsieur Guenny, vous connaissez pas vos classiques? Comment ça? Ce lingot d'or. Que je voudrais mettre à mon, à votre, à vos prières. À vos, montez là, à vos, ok. Prenez, on n'avait pas monté le son. Quand il n'y a pas de son, il n'y a pas de chanson. Car c'est dans les chansons qu'on apprend à rire. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire. Mais c'est dans le lit. Hey, tu l'as, toi. T'es Monsieur Trémolo 2002. Mais j'ai gagné. Mais je suis très heureux que vous m'amiez dans ce sentier. Parce qu'effectivement, j'ai gagné M. Trémolo 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, mais pas en 2010. On vous s'assure pas, on m'a déclassé. C'est M. Bernard qui... Ah, ben pas lui, lui là, lui, je vous dis, en plus d'être intelligent, en plus d'avoir une belle voix, en plus d'avoir de beaux enfants, en plus d'avoir une femme exceptionnelle, et en plus d'être un beau gosse, ce... Monsieur Bernard, là, vous a pris, vous a amené à la déchéance la plus totale. C'est vrai. Et c'est pour... et c'est à cet instant que je tiens à dire que Monsieur Bernard m'a berné. Monsieur Bernard n'a pas voulu me laisser une petite place parce que il fait des vocalises avec la grande Sarah Bernard. Pas la grande, Sarah Bernard. Elle est passablement grande. Elle est plus grande que ça, là. Il faut défaire les toits pour la laisser passer. Puis en plus, elle a dit « Ah, c'est moi, la grande Bernard, la grande Bernard. » Et si on n'oserait même pas l'appeler ainsi, elle rapetisserait de quelques centimètres. Ah oui, elle en perdrait quelques coupes. Les couettes y descendraient vers le bas. Et ce serait la simple madame. Et quand on dit une simple madame, là, c'est dans la simplicité de l'appellation jamais contrôler. On veut pas contrôler ça, ces émotions-là, nous autres. Monsieur Bernard, je me souviens, il m'écoutait en 2007. C'est lui qui m'a étudié à la loupe. Comment ça? On étudie, ah ouais, on étudie à la loupe. À la loupe, à la loupe, à la loupe. Il y en a qui s'est... Attention. Il y en a qui étudient à la louche. Comme Claude. Claude Lalouche le fait ici. Et il y en a d'autres. Pas Claude Lalouche. Ben oui, il y a le grand réalisateur du cinéma français. Français, ben français. Tu sais, le cinéma où on commence à... Ah, bravo, c'est terminé. Mais non, c'est pas ça. C'est du cinéma narratif. C'est pas les films de comment qui s'appelle, le grand bleu, puis la grande blouse, puis la blouse des fêtes, et le saint qui s'en sort, et Emmanuel, histoire beau, puis histoire bebel, puis le grand bebel. Il y a le grand bebel qui, à un moment donné, a joué dans les chiens qui se cachent pour mourir. Ben, tu sais, tout à fait. Ben oui, le grand bebel. Il dit, oups, cascade! Et là, il est tombé par-dessus son chien, parce qu'il l'avait comme enjambé. Il s'imaginait sa nouvelle copine, lui. Limissa Pasta. Ah, pas Limissa Pasta. Limissa Pasta. Ah, elle est pastée par là. Elle est pastée par là. Mais elle n'était... elle ne s'était pas juste arrêtée. Elle s'était cambrée légèrement, entr'ouverte l'esprit, et elle a dit, « Monsieur Cascade, faites-moi un enfant. » Et c'est lui, le hop, cascade! Et Madame Pasta, Madame Pasta! Ça a pas de... Qu'est-ce que ça a un lien avec le lingot d'or? C'est la chanson de Georges Mort. Mais enfin, c'est des grands succès, des années où on avait du plaisir, là. Où on regardait une guimauve, là, puis on se disait, quelle belle soirée en perspective! Qu'est-ce qu'elle avait, ta guimauve? Ben, premièrement, elle était blanchâtre. Mais normalement, une guimauve. Ben, une guimauve, on sait pas, là. Aujourd'hui, elles sont multicolores, les guimauves. Il y en a des roses, des rouges, des vertes. Ouais, mais ça, c'est pas très frais, hein. La blanche, là, c'est. Ben, ouais, mais pas juste ça. C'est pas juste ça. Il y a des gens qui venaient nous prendre ces délices, ces sucreries sans aucune gêne. C'est pas vrai? Ben oui, c'est des gentlemen cambrioleurs. Ah, oh, il va nous faire la chanson. Oh, on y va. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau d'acheté la veille. Puis avant de partir après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare sans vous donner une arme. Et vous m'apportez les fleurs. Appartement 3, s'il vous plaît. Gentleman, oh, le gentleman est un bon seigneur. Seigneur, excusez-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est le plus grand des voleurs. Oh yeah! Ouais, ouais, ouais, oh. Mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer d'une arme, Quand il voudra aussi une femme, il retrousse tes amandes, il fait tourner les fleurs, il fait tourner le bouquet, oui. Quand c'est Carole Bouquet. Il bouge en amour, il bouge d'amour pour elle. Quel homme. Non, c'est pas moi, là. Non, mais quel homme n'a pas une petite frivolité intellectuelle lorsque l'on nomme le nom de Carole Bouquet? Tout est à venir dans ce nom, dans ce prénom, Carole. Carole, oh Carole, oh Carole, mon amour. Et ça, c'est Gilbert Betteau. Ah, Gilbert Betteau, il l'avait. Hein? Puis même Diane Pell, qui l'appelait souvent, hein, Gilbert Betteau, il dit, Gilbert. Lui, il était pris dans ses... Non, c'est pas Gilbert, c'est quoi? Charles. Qui? On est tout mêlé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Monsieur le Président. Monsieur les pas trop cathodiques. Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Renaldienne. Il s'empare de vos valeurs. Non, c'est fait! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. J'ai comme ma triple langue embarque sur la première. C'est pas tout à fait normal. Mais je sais! Crois-tu sincèrement, là? Excuse-moi, mon petit homme. Mais crois-tu sincèrement que tout ce qui se passe ici, c'est dans la normalité? Ah, je sais pas du tout. Monsieur Grenier, bravo oui. Pour votre grand talent. Mais merci, mais c'est pas... Premièrement, le monsieur Gagné ne s'est pas encore présenté. Il est toujours en retard, comme d'habitude. Comme d'habitude, je reste seul. Mais comme d'habitude, oui, je cherche le mot. Comme d'habitude, je veux de l'eau. Comme d'habitude. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Qui télécharge mes émissions, la Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? Moi, je vais faire pam pam pam pam. Ah, c'est facile de jouer à Bepopen, hein? Bepopen était un saut. OK. À quoi bon faire de la radio si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue, Virginia. Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier. Là, je ne vois plus l'art. Tu vois plus rien du tout. T'es complètement parti. Hein? T'es complètement parti. Puis même ton clavier ne fait qu'à sa tête. Elle en a pas. Comment ça? Il en a pas. Mais c'est un clavier. Il en a pas. Mais arrête de le dire, il en a pas. Pourquoi il en a pas? C'est un clavier. Oh. Là, ce que tu veux dire à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, à tous les gens qui nous regardent sur vidéo, c'est qu'un clavier n'a pas de tête. Ben non, c'est pas l'imprimante. L'imprimante. L'imprimante a une tête. Oh. Une tête d'impression. Ben j'ai l'impression que toi, mon beau mâle en rut. Oui, c'est moi. As-tu une tête d'impression? Ah, moi, j'ai pas de tête du tout. Ah, mon Dieu, il se révèle enfin. Ben, j'ai pas à me révéler, tout le monde le sait. Oh. Oh! Ça, là, ça prouve. Merci. Ah, je sais qu'est-ce que c'est. C'est le pied du... Ah, c'est le pied! L'autre, le pied. Non, mais oui, le pied du micro qui touche sur le ré mineur. Faut toujours s'éloigner du ré mineur. Pourquoi? Il est mineur. Oh! Il est mineur. Ils sont laminés. Dans des centrales de police! Pourquoi? Ils sont mineurs! Ah, OK. Parce qu'ils sont mineurs, ils... Ben oui! Faut pas regarder la mineure, faut pas parler à la mineure, faut pas jouer de le ré mineur, faut pas s'intéresser à la mineure, faut pas non plus trouver des mineurs parce qu'ils vont se... Ils vont exploser! Comment ça? Dans leur mine! Oh! Parce que dans des trous, ils creusent. Plus ils creusent, plus ils s'en vont dans la... Dans la merveilleuse production où l'on trouve et où l'on cherche bien des belles choses. Ah, j'ai eu peur. Aujourd'hui, le samedi, est-ce que ça va mieux? Ça va. Alors, je souhaite un top bravo à Didier Deluxe, à Martin Meneur, à Rebbe Beber, à Maître de Beurre, puis à Heidegger. Qu'est-ce qu'Heidegger a là-dedans? Heidegger. Allez le dégueu. Aujourd'hui, le samedi 1er mai, C'est le printemps, les enfants s'amusent. C'est le printemps, voici la princesse. Le prince charmant embrassera la douce se cachera dans la douche. Pourquoi? Pour s'animer devant le prince. Le prince gagné. Qui se cherche la princesse de son cœur. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Pardonnez-moi si les gens nous regardent là sur un site vidéo. J'ai un petit cordon, non pas devant le visage, mais presque, oui. Sur la joue, j'ai été opéré au niveau de la muscle. De la muse populaire. Et comme elle était très impopulaire à se faire ressaisir le citron, elle s'est dégagée une certaine animosité envers ma personne et elle purge donc. Ils ont entré un citron. Non, c'est pas ça, c'est un micro, un pied de micro qui nous. Ouais. Alors, nous plaçons cette semaine sous les projecteurs le groupe de musique québécois Les Trois Accords. Formé en 1997 par Olivier Benoît et Simon Proulx, le groupe compte actuellement 4 membres. Olivier Benoît se consacre maintenant à la gérance. Tous les chanteurs, les protagonistes, les gens du groupe, parce que c'est pas tous des chanteurs, viennent de Drummondville, un petit coin de la ville de la province, dans le coin, dans un trou. Loin de la logique, c'est pas vrai, Drummondville, c'est beau. Quand il ne se passe rien, c'est Drummondville. Loin de la logique, de la rationalité et de l'engagement politique, les paroles des trois accords se démarquent dans le champ musical actuel du Québec en proposant une expérience musicale inédite depuis les premières formations punk québécoises des années 90 comme Banlieue Rouge, Barf ou Les Crostillons. Moi, c'est des crostillons bien dégorgés. Musicalement, les trois accords peuvent à être classé dans la ligne des formations punk françaises comme Berrurier Noir, Parpaloum, Les Cadavres ou un groupe que l'on connaît et que l'on aime. Les Wampas! Les Wampas! Tous connus au Québec! Pas vraiment, là. Ça, c'est faux de dire ça, là. Mais avec un son plus californien, plus popcorn, c'est pas popcorn, c'est popcorn. On pourrait les comparer davantagement à Ludwig von 88 pour leur côté absurde. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'œuvre d'André Brasseur et de Michel Tremblay. Le soleil se lève plus tard. Passionné de théâtre dès son jeune âge, André Brasseur est connu pour avoir mis en scène les grands textes du répertoire de Michel Tremblay. Et le film relate l'histoire de Gisèle Lapointe, secrétaire, même sa vie bien ordinaire, sans véritable bonheur. Elle habite encore chez ses parents avec sa mère, son frère, ses sœurs. Le soleil se lève en retard, c'est l'histoire pleine de tendresse et d'humour, de personnages ordinaires qui trouvent enfin l'amour alors qu'ils pensaient bien vieillir seuls et mourir oubliés. Maintenant, laissons la place aux chansons. Et je vous jure qu'il y en aura. Et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée. Et en avant, en avant, en avant, le générique. Là, je l'appelle le générique, là. Il répond. L'entendez-vous? Ça vient de l'au-delà. Bravo! Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Disons que c'était pas du tout, on n'a jamais eu l'idée de faire un groupe pour être à quelques-uns, à 4-5 pour se défendre. On a eu l'idée de faire une espèce d'amicale des cœurs solitaires, ceux qui ne rentrent pas dans les trucs. Et finalement, tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases sont assez, font des choses bien souvent. Et simplement, comme ils sont seuls, ils sont plus vulnérables, plus faibles. Donc c'était une façon de, pas rassembler, mais de servir toutes ces énergies. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus dur. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. C'est ça. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, faut quand même que je fasse que. Non, je suis ailleurs. C'est bien. C'est... Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique. Il faut que ça détruise tout et que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. La musique, la musique, la musique, la musique. Et les amis, et rigoler, rigoler. Quand on peut, il faut rigoler, faut rire, faut rire. Je vous embrasse. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats. Et se ramasser sous 10 000 aspects notoires, un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonin Artaud. Monsieur Grenier, bravo pour votre grand talent. Monsieur Grenier, bravo pour votre grand talent. Monsieur Grenier, bravo pour votre grand talent. Merci, mais c'est pas Monsieur Grenier. C'est Rénal de Gagné. Pardonnez-moi, je suis arrivé en retard. Mes personnages m'ont comme... Ils m'ont barré le chemin. Et je tiens à vous dire que j'interpréterai sans doute des chansons plus complexes. Et à l'instant où je m'enfargerai dans la virgule, j'arrêterai tout le reste de la pièce pour vous, hein, parce que je vous estime et je vous aime, et surtout pour vos oreilles. Car je tiens à les voir encore la semaine prochaine rattachés et collés sur vos têtes. Alors, celle-là, je l'adore. Excusez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Faudrait que... Non, OK. On prendra rien. On prendra pas de nom. Je n'ai pas peur de la voûte, faut voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même il ne sert à rien. Ouais, c'est tiré par les coins. Le vent l'emportera. On le garde quand même, c'est tellement beau. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. C'est pas ça, c'est ça. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier et de demain, le vent les portera. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Générique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies, et mon tapis vole en lui, tout ira bien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, et en pose un, qu'est-ce qu'on en te retient, le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Et le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, je mène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Hé, hey, Bertrand, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Laissons la place au créateur. Ce moment privilégié se consacre à la vie romancée d'un artiste inventé qui naîtra dans quelques minutes sous vos yeux. Nom, prénom, lieu et métier se divulgueront au hasard dans le petit sac. C'est pas un petit sac. Un petit sac. Allez, mon petit Rénal. Non, c'est pas un sac, c'est déjà écrit. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le nom et le prénom et le travail de... Bon. Nom, prénom, lieu et métier se divulgueront au hasard dans le petit sac afin d'inventer le profil imaginaire d'un artiste qui deviendra le nôtre et poursuivra, grâce à vous, une vie au-delà même de ce numéro. Eh oui. Et donc, c'est exactement Régis. Est-ce qu'il est écrit dans le registre? On ne sait pas. On va s'informer. Tiki Baudouin? Oui, mais moi, je suis toujours en plein travail actuellement. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute tes bandes. Tes bandes? Ils magnétisent. Ils magnétisent quoi? Tous les passages de ton émission. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu fais ça? Ben, c'est pour tes archives personnelles. Oh, mon Dieu, j'en ai pas, moi. Comment ça? C'est de l'art éphémère, l'errance rénaldienne. Bof. Éphémère, tu parles de ta vie? Non, mais je parle de... Oui, effectivement, vous avez entièrement raison, M. Petit Cul. Je suis pas M. Petit Cul, Ça, c'était mon deuxième nom à l'époque où j'étais fou, hein, où les jeunes filles me disaient « Allez, Petit Cul, brasse-le! » Brasse-le. Ben, le Petit Cul. Ah, ça, OK, vous étiez danseur. J'étais un danseur coordonné. C'est-à-dire? Ben, je suivais la musique et exemple. Parce que vous vous souvenez de ça à une certaine époque. C'était... Oh! Un. Deux. Un. Deux. Un. Popotin. Deux. Gros malin. Trois. C'est enfin le tour du chemin. Tu fais le tour du chemin? Ben oui. Et pour en arriver dans un cul-de-sac, parce qu'à force d'aérer, oui, ben on n'adhère plus au sol. Oh, on s'envole! On s'envole comme il faut s'envoler. On n'emprisonne pas un gros élan. Quand ils sont trop gros, là, les gros élans font puis le patard, ça tombe par terre. Puis là, ça lèche le sol avec le bec. Mais ça n'a pas de langue. Mais voyons, non, un oiseau, ça n'a pas de langue. Quand tu dis des langues de canaries, ah, mon Dieu. Ça, c'est des petits vicieux. Ah, les canaries, c'est plus vicieux que ça, là, tu meurs. Ah, ils sont toujours dans le trou. Oui, effectivement. Alors, Régis Rossignol, qui habite en Russie, à Zima. Oh, alors à Zima, on zime à Zima. On zime à Zima, la Zima, la Zima, la Zima, la Zima, la Zima, la Zima, bam, bam, les pinceaux du ding, dans les jongs, swing la baguette dans le fond de la boîte de bois. On zime à Zima, on zime à Zima, on zime à Zima, on zime à Zima. Hey, t'es parti. Reviens-nous. On n'est pas revenu de si tôt parce que l'errance rénale. Avez-vous l'heure, Jean-Marc? Il est 2h. C'est 2h du matin. Il est 2h du matin. Je m'éloigne de ton chemin. J'ai un casse-tête. Ce n'est pas du pain. J'en donne aux petits ratons mineurs. Ils vont m'arrêter. Toujours, je n'ai pas payé. Mes contraventions, qui résulte de ce petit cochon qui me dit lance, lance le cochonnet, lance, lance, tu verras, la vie se trouvera parmi les sentiers ensoleillés, danse, danse, tu verras, tout le monde t'amènera des enfants pour qu'ils dansent avec toi dans les ballons dirigeables, dirigeables, que tu pourras laisser faire quand tu n'auras pas d'oseille avec elle. Ça n'a pas d'allure, on s'en suit pas, là. Mais oui, parce que les petits-enfants... On sait que les 10 enfants, que selon Jean Ferrat, hein, c'est l'avenir du monde. Donc, on va tout amener les petits-enfants et puis on va les envoyer dans une montgolfière pour qu'ils puissent ressusciter à nouveau. Et c'est une belle chanson. On a le goût de pleurer. Ben, j'aimerais ça que vous n'ayez pas le goût, alors pleurez. Oh, c'est... Régis Rossignol, en Zima, en Russie, c'est un vendeur d'automobiles. Ben, ils vendent des automobiles. Ils sont très mobiles, ces autos. Comment ça? Ils roulent tout seuls. Fonctionne pas à l'essence, là. On est en Russie, ça fonctionne à vodka. Les voitures qui fonctionnent à vodka. Ben, voyons, t'as jamais entendu ce podcast? On veut pas amener ça au Québec. Comment ça? Ramener des voitures qui fonctionnent à vodka. Imaginez votre gars qui met de la vodka dans votre voiture russe. Ah, ben, on n'est pas sorti de la vodka. On n'est pas sorti de rien du trou. Mais même le trou, qu'est-ce qu'il y a le trou? Ben, il est rempli de vodka. Qu'est-ce qu'il va dire, votre gars? Ben, il dira rien, voyons donc. Il va garder ça secret pour lui, puis il va tout... Ramène-toi, Rachel, ramène-toi. Il va tout boire l'essence. Pas de l'essence, c'est de la vodka. Ouais, mais on appelle ça de l'essence. On appelle ça de l'essence. Mais de l'essence! Pas de l'essence, c'est de la. Lâche-moi! Ah, il va. C'est vrai? C'est vrai! Ah, mon. As-tu peur? J'ai peur! Alors, Régis Rossignol, si t'es un vendeur de voiture, j'aimerais une bagnole qui ne roule pas à la vodka. Et. Ah, tu es traducteur? Oui. Monsieur Grenier, bravo pour votre grand talent. C'est pas une traduction, celle-là, là. Ah non, il va parler français. Pouvez-vous parler français? Syntoniser le 43. Effectivement, je vends des voitures. Êtes-vous sûr, c'est un russe? Des voitures. Mais j'ai pas trouvé votre profil de voiture. Oh, j'ai un profil de voiture, moi. Qu'est-ce que je dois dire? Âge, non, sexe. OK. Sexe masculin. Âge, 33 ans pour les demoiselles et 75 pour les hommes. Comment ça? Ben, les hommes qui mangent de la bonne nourriture. Mais pour les dames, là, j'ai 32 ans, puis j'ai de la mine dans le crayon. Ah, je pensais de la mineure. Ah, lâchez-moi, arrêtez, ils vont s'en venir. Arrête de parler, ne parle pas de ça. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, Billie Jean. Et là, monsieur. Et puis donc, monsieur Rossignol, pourriez-vous nous faire donner une belle bagnole là, qui va, selon mes espérances, qui fonctionne non pas à l'essence, mais au courage? Ah, oh, ça peut, monsieur? Oui. Monsieur, ça ne peut pas avoir une voiture russe. Ben, les Russes ont du courage. Oui, mais on peut pas amener ça au Québec. Pourquoi? Les Québécois. Oui. Ils n'ont pas de courage. Moi, ils n'ont pas de courage. Comment ça, ils n'ont pas de courage? Ils n'en ont pas. Bon. Vous connaissez le Québec? Mais je connais très bien la ville. J'ai fait Golgolmat. Non, c'est Golgolmap. Golgolmap. J'ai fait Québec. Oui. Il y a eu Général de Gaulle. Général de Gaulle? De Gaulle, il a dit pip, le pépé, pip. Ah non, là, vous n'aviez pas la traduction bonne. C'est Général de Gaulle. Il n'a pas dit « Vive le bip bip », c'est « Vive le Québec libre ». Ben, c'est ça. Il est libre, mais emprisonné. Ah, ben ça, c'est vrai. Nous vivons dans un Québec emprisonné, mais quand même, nous sommes heureux d'être des Forrest Gump, hein? Des gens heureux malgré notre déficience à ne pas vouloir s'autogérer. Alors donc, je peux pas faire je peux pas faire. Ah, ben tu peux pas faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Régis Rossignol, on te place à l'extérieur de la ville. On ne veut plus rien savoir de toi. Tu n'es plus pour nous un vendeur d'automobiles et tu ne seras jamais un personnage qui nous ressemble et que l'on va bien sûr se souvenir. Parce que, allez, le bonobo augmente la sono et fait cracher le morceau. Je vous invite à danser, à fredonner et à répliquer. You puny protozoa, you're so minute you didn't know the gang has been watching you, but instead of just squashing you, I'm scooping you up out of the muck you wallowing like a chief chemist. Other scientists are following, planning to examine you on a petri dish, sticking you and fricking you. Just a teeny bit of clever with science, but never relying on false ones from cowards who forever be trying. Insisting they come off, I let them get some off, then come back with drum tracks their ears could get numb off. Blockbusting, like making love, I'll never stop thrusting into your system. So just listen, I'm like a neurosurgeon, operating with a pure aversion. I write prescriptions of words that fit in. The dope gets prescribed as I kick it live. Cause it's more than a style, it's conceptual genius. My effect on the scene is to project that I mean this. You deadbeat, wait until you see my next feat. I get respect for the rep when I speak, check the technique. Check the technique. Check the technique. Check the technique. Check the technique. I'm rushing you like a defensive end, as I recommend that you comprehend. I could stomp you in a battle, contest, or war. What will occur will be the portraiture of your immature, insecure for sure, meek, weak visions of grandeur. To really awaken you, I then will be breaking you, taxing without action, extracting and snaking you, making you succumb to the drums of gangsta. By far we are truly gifted ones, son. But if you were to speculate or estimate us losing, you'll be dying, trying to face the fate of your delusions. Cause miscalculation is all you're stating, so I'm chumping, punting punks just like footballs. Cause I'm gonna put y'all back in the mess hall to clean up the slop and stop all the bullcrap. Your rap's crazy whack, so don't try to pull that. You're lacking the vernacular. I'm slapping you and capping you and closing your jaw, cause you can't mess with gangsta. The guru and premier, always dope with the blessed beats. Dance your ass off, hops, check the technique. Check, check the technique. Check the technique. Yard, sayonara, arrivederci. Your ass gets busted due to mustard. You try to work me, you irk me, because you copy and falsify. And I don't care how many step up, cause you all could try to wish and fish for a style. Here's a fishing rod. These rods are hitting hard constantly. I'm getting large, inevitably I readily kick a spree. I've lyrics so deep, so don't sleep, but just keep me putting methods on records, expanding for each millisecond. 33 RPMs displays the art of men. And as my rhyming builds, you see my time is chill. And then I look upon weak ones. I'm teaching each one so they become redone. Essays are relayed to twist you up like French braids or tighter like corn braids. Cause I got a strong rage, force like police raids to never be delayed. I once was the least paid, but I made the grade. Cause this ain't a slave sale and I ain't the same stale rapper. No, I'm not a phony microphonist with no classer. No type of real appeal or real talent. And it makes me violent, man, to see all of these PBB MC wannabes making G's cause some dumb companies have lots of money, but no idea of what is black and what is dope. So check out what the guru wrote. Cause I will prevail, give details as I unveil. Hell in a brain cell so I can stay paid well. Now I'm in the driver's seat and rocking the live beats. Bouncing and booming and blasting you to the next seat. Chic and unique with lots of kick like a cleat. Check the technique. Chic unique technique. Chic unique technique. Check the technique. Check the technique. Check the technique. Check the technique. See if you can follow it. Et oui, j'ai voulu souligner la mort de Kate Elam. Kate Elam, qui vous dit absolument rien sur ce véritable nom, se cache un pseudo alias Guru. Guru est un rappeur qui est décédé d'un cancer le 19 avril 2010. Il est né le 17 juillet 1961. C'est un rappeur new-yorkais originaire de Boston. Il était le MC du groupe Gang Starr et c'est une de leurs compos qu'ils ont fondée avec le DJ Premier en 1989. La chanson que nous avons entendue s'appelle Check the Technique. Et je vais juste vous dresser pour rendre hommage à ce grand bonhomme qui, malheureusement, c'est bizarre, hein? J'écoutais et je me disais, comment un rappeur peut mourir d'un cancer? C'est un homme. Pour moi, ces gens-là, c'est des surhommes. Même si Solar, à l'intérieur de mon crâne, je ne peux pas m'imaginer un rappeur mort parce que c'est de la musique tellement actuelle. Comment tu peux mourir d'une musique actuelle? Alors, je demande à ma psy préférée de m'interroger et d'en venir à une conclusion. Alors, parallèlement à Gangstar, Garus s'est également lancé dans des projets solos regroupés sous l'appellation Jazz Mats et Aérance Rénaldienne. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous allons diffuser beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Jazz Mats parce que c'est excellent, fabuleux, merveilleux, mais c'est... Ce que je veux vous dire, c'est que je ne l'ai pas découvert après sa mort. Je le connaissais énormément, mais il y a tellement de musique, hein? Johnny Cash, Serge Gainsbourg, Bachung, Les Trois Accords, plein de trucs que je veux vous faire découvrir, que je veux vous faire connaître, que j'aimerais que vous entendiez, qu'on passe très souvent, on veut le faire, puis on glisse, hein? On dit, ah ben, il y a William Scheller, donc on va enlever Guru, puis Jean-Michel Jarre, donc on va mettre Guru. OK. Alors, donc ce grand rappeur nous a quittés et puis il a laissé une discographie assez complète, hein, quand même. Jazz Mats, volume 1, volume 2, Street Soul, ensuite Slick in the Back Click, The Streak Spritters, et The Hip Hop Jazz Messenger. Et ça, c'est rien à voir avec la belle Messenger, Bassinger and Bobby Burr, Marer, Together. Et puis, enfin, il est aussi comédien, il a joué dans Greffe, filmographie, dans les jeux Grand Turf Auto, je sais pas quoi, des jeux de voitures sur des consoles. Et puis, donc, c'est un être merveilleux. Malheureusement, il nous a quittés. Et puis, j'ai voulu souligner sa présence sur Terre. Et croyez-moi, les semaines qui suivront, les mois qui suivront, les années qui suivront, témoigneront sincèrement de mon attachement à ce guru. Et d'ici ce temps, ben, écoutons quelque chose de québécois. Les Trois Accords à l'Errance Rénaldienne. Hey, bonne émission, hein? Bonne émission. J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des bordel, me prépare en tout cas. Où tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je noue les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps, dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a Je m'appelle Michel. Puis si jamais vous avez besoin de moi, je suis à l'École nationale de théâtre. En tu n'y as pas donné ton nom, ni ton adresse, ni ton numéro de téléphone. Mais voyons donc, Mariette, c'est un enfant. Puis je suis sûr que, rien qu'à le voir, il est même pas aux femmes. Extraordinaire! En tout cas, j'ai dit que ça réconcilie avec la vie. Oh, excuse. Bernard, à quelle heure M. Saint-Aubin est supposé d'arriver aujourd'hui? Vers 10h, 10h30. Bon, OK, tu lui diras qu'il vient de me voir à mon bureau. Parce que je pense qu'il y a des erreurs dans le compte qu'il m'a donné hier. Oh, OK. Hey, Gisèle, comment tu pèses? Allô, un matin! Allô? C'est qui a mis ça sur mon bureau? C'est qui a mis ça sur mon bureau? Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous pensez peut-être drôle, là? Je suis pas rendu si bas que ça. Non, je suis pas rendu si bas que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Filez. Si vous saviez la nuit que je viens de passer. Quelque chose à Marguerite. Encore des secrets. Vous vieillirez donc jamais dans ce famille-là? Ah, j'espère que non. Oh non! En tout cas, là, j'étais assez enragée, c'est bien simple, quand j'étais arrivée à matin, là. Penses-tu que c'est pas effrayant de me mettre ça sur mon bureau? Me paraît comme je jetais un cas désespéré. Gisèle, je suis sûre que c'est pas ce qu'ils ont pensé, ceux qui ont fait ça. Ça partait des bons motifs. Ou un bon motif, oui. Envoyé d'un club de rencontre, là, où est-ce que tu peux tomber dans les mains d'un maniaque sexuel, n'importe quand? Faire assassiner comme une gadoune? Tripas, c'est pas drôle. Tu perds donc comme maman, des fois. Ben, je veux te dire, il y a une affaire, moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Bon. Laisse-moi donc parler. Thank you.